Mad Combo Régime, chez nous, Marie, toujours là pour représenter. Marie me blesse car elle dit la vérité. Et si tu saignes, c'est que tu l'as bien mérité. Elle fait danser ou penser. Et depuis qu'elle a commencé, elle n'a cessé. Elle est belle et mélancolique. Et quand je la chante au mic, je suis comme un alcoolique. Ma rime d'origine est tunée. Son compte bancaire est pauvre, mais son cœur est fortuné. Ma rime. Elle aime chanter, elle a toujours la santé. Ma rime. L'oreille sur le BPM, vous la ressentez. Ma rime. Toujours au P quand faut représenter. Ma rime. Vouloir la stopper, j'espère que vous plaisantez. Ma rime est artistique, et quand elle fume des petits sticks, elle explose les statistiques. Ma rime boit du rhum arrangé, elle nage parmi les requins, elle ignore le danger. Ma rime est métisse, tu veux planer et voyager, mais médis. Et depuis que ma rime a été abolie, elle chante sa liberté et les colons trouvent ça impoli. Ma rime, elle aime chanter, elle a toujours la santé. Ma rime, l'oreille sur le BPM, vous la ressentez. Ma rime, toujours au P quand faut représenter. Ma rime, vouloir la stopper, j'espère que vous plaisantez. Ma rime, elle est toujours en train de fumer un petit zamal. La couleur est locale, le savoir artisanal. Ma rime est créole, tu le sens au coup de crayon. Seul Dieu elle craint et en lui nous croyons. Ma rime est une rebelle, 160 ans d'histoire, c'est juste un rappel. Ma rime respecte toutes les religions, d'honneur et la Légion, Réunion et la Région. Ma rime, elle aime chanter, elle a toujours la santé. Ma rime, l'oreille sur le BPM, vous la ressentez. Ma rime, toujours au P quand faut représenter. Ma rime, vouloir la stopper, j'espère que vous plaisantez. Ma rime, elle aime chanter, elle a toujours la santé. Ma rime, l'oreille sur le BPM, vous la ressentez. Ma rime, toujours au P quand faut représenter. Ma rime, vouloir la stopper, j'espère que vous plaisantez.